Monsieur, coupez le contact s'il vous plaît. Veuillez poser vos deux mains sur le capot. Avez-vous quelque chose de dangereux, d'illicite dans vos poches, des stupéfiants ou bien un couteau? Veuillez vous ranger sur le côté s'il vous plaît. Présentez vos papiers d'identité, permis de conduire, assurance, carte grise, intérêt que le contrôle technique soit ok. Je hais ces contrôles de police, ces matraques, ces abus, ces caricatures, ces képis, ces insignes, ces sous-entendus, ces bandits, c'est humiliant. C'est tendu, l'as-tu ressenti? Un arabe dans un BM, c'est contrôlé toutes les minutes, toutes les nuits. On prend la route sans papier, man, on finit tout ce que tu sais. Lors d'un contrôle, pas le droit de parler, de respirer, même de pisser. J'ai pris l'équipe et décidé de rendre visite à des petites. Et tout de suite, les gyrophares, c'est pas le contenu de mes poches, mais ma tête est illicite. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Veuillez éteindre le contact, s'il vous plaît. Celui qui est à vous, hein? Oh, ça va bien se passer, descendez du véhicule. C'est vrai, les gens sont différents, mais toutes les cartes sont grises. Vous me contrôlez alors que le gars devant la pue et la tise. Vous-même, vous puez la tise. Laissez-moi, je m'appuie avec vous. Donnez mes papiers d'identité, contrôlez. Puis laissez-moi barrer avec vos consignes bidons. Contrôlez tout arabe et noir véhiculé, même si celui-ci a un guidon. Aucune politesse, aucun tact, vous ne savez que j'acte. Tu fais le fier, mais sans ta plaque, tes genoux vont claquer. Tu fais pitié avec ta tête, et je me suis trop fait raquer. De façon pour toi, c'était les stupoulaires. RATP, aucune ambition, aucune modestie, qu'une démission. Aucun respect, vous défoulerez à la prochaine manifestation. Fouillez le coffre, le siège et même sous la boîte à gants. Je vends des disques, j'en ai fini avec les stupéfiants. Pas plus vite, c'est tordu qu'un keuf comme vous. Lieutenant, balayez chez vous au lieu de balayer chez les gens. Oh, de quoi je me mêle? Vas-y, mais il est fou celui-là, hein. Vas-y, je vais t'embarquer, je vais t'embarquer. Je te mets de tes affaires, madame, ce que t'as déjà fait. Il est fou celui-là, hein. Se couper le contact, s'il vous plaît. Veuillez poser vos deux mains sur le capot. Avez-vous quelque chose de dangereux, d'illicite dans vos poches, des stupéfiants ou bien un couteau? Veuillez vous ranger sur le côté, s'il vous plaît. Présentez vos papiers d'identité, permis de conduire, assurance, carte grise. Y'a intérêt que le contrôle technique soit ok. Je hais ces contrôles de police, ces contrôles abusifs, ces provocateurs, ces gros bâtards, ces putes mal baisées. J'ai trop encaissé, faut me laisser. J'ai trop la rage avant que je tombe pour outrage. Laissez taper mon office, chez moi j'ai tourné la page. Trop l'énergie, tant dans mon véhicule que les choses se fassent. Que le temps passe, que ces fils de pute comprennent qu'ils me les cassent. Avec vos attitudes, vous comprenez pas que vous agacez. Après vous vous étonnez qu'au quartier vous vous faites caillasser. Bande de bouffons. Ouais, je t'insulte, qu'est-ce qu'il y a? Mais puis de merde, puis t'as me casser les couilles. Lâche-moi, t'as un fou quoi, lâche-moi. Monsieur, coupez le contact s'il vous plaît. Veuillez poser vos deux mains sur le capot. Avez-vous quelque chose de dangereux, d'illicite dans vos poches, des stupéfiants ou bien un couteau? Veuillez vous ranger sur le côté s'il vous plaît. Présentez vos papiers d'identité, permis de conduire, assurance, carte grise. Y'a intérêt que le contrôle technique soit ok. Monsieur, coupez le contact s'il vous plaît. Veuillez poser vos deux mains sur le capot. Avez-vous quelque chose de dangereux, d'illicite dans vos poches, des stupéfiants ou bien un couteau? Veuillez vous ranger sur le côté s'il vous plaît. Présentez vos papiers d'identité, permis de conduire, assurance, carte grise. Y'a intérêt que le contrôle technique soit ok. Oh, calmez-vous, aime-moi ça, Angie. Jean-Marie, tu l'as pas reconnu. C'est le rappeur à la fouille. Oh, excusez-moi, je ne l'avais pas reconnu. Et mon fils est fané de vous. Pouvez-le signer un autographe, s'il vous plaît. Il s'appelle Jérémy, je vous avais pas reconnu. Il fallait le dire au plus tôt. Vas-y, donne-moi mes papiers, oh, vas-y. Mon fils est fan de vous. Tenez un petit autographe, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Quitte là-bas, là, toi et ton autographe, là. Vas-y, venons, on se barre. Vas-y, monte.